pas de discours. Nuisance, l'émission qui nuit au sens. L'émission de toutes les nuisances. L'émission du non-sens. De vins descriptifs des dispositifs. Pas de discours explicatif, pas d'interview. Pas de vins descriptifs des. De vins descriptifs des dispositifs. Pas de discours explicatif, pas d'interview, pas de vrais descriptifs des. De vins descriptifs des dispositifs. Simplement du son, de la voix, qui se donne à entendre et est à disposition. Laissons donc libre cours aux aventures sonores de Hal et entendre où elles nous mènent. I was standing by the Nile when I saw the lady smile. Et mes amplis, ils font du bruit. Eh ben, je l'ai pas fait tout à l'heure. Ça. Laisse-moi, nickel, c'est la peine, je te baise, je te nique ça. Lâche le cul. reçu la bite. Parce que j'ai une bite, ça t'étonne ? Je vais vraiment voir ce que je prends. Je crois, c'est sûr, je crois. Marie. Je pèse de l'eau. Je rendrai à ta terre. Je vais revenir de mon peau avec un paquet de bonnes à bonnes. Je reste plus ensuite. Je t'embroche. Sombre soir d'octobre, octobre, la mort en suspens, la tragédie. Oh mon dieu. Je sais pas pourquoi je dis ça. Je m'en fous d'ailleurs. Rien à voir. Profil contre l'horizon, un dessous. Le sauveur. Allez hop, saint sacrifice. Allez hop, c'est dans la boîte, encore une fois. Je te démène à fournir une excuse à tes faits. T'engages dans des voies oblitérées par la passion de Christ en l'église dans une passion vive de chair. And there and everywhere. Avez-vous entendu les dernières nouvelles? Les robots sont en train de mourir, toutes en train de mourir. Mais pas volubile, si seulement je savais ce que ça voulait dire. Alors, je voudrais leur souhaiter la bonne année, quoi. Boom, tac, c'est pas tous les jours qu'on crève, quoi, je veux dire, merde. Tac, éclate. Encore une fois, pack de c'est bière, cool. Et puis l'éclate. Ouais, une Cronenbourg. Je foutrais des éclates, moi. Et vas-y, éclate-moi la gueule. Mais pourquoi si agressif? Parce que j'en ai rien à foutre. Parce que j'en ai rien à foutre. Petros. Non, rien à foutre. Tu connais pas la discrétion, je te baise. Non, c'est pas vrai. Tu ne me laisses pas. Tu me laisses tranquille. Tu t'en vas. Tu disparais de ma vie. Tu n'es rien pour moi. Toi, moi, là, bas. Tous la même chose. Toutes. C'est pareil, c'est pareil. C'est toujours la même rengaine. À chaque fois que tu viens et tu dis c'est toujours la même chose et c'est parti pendant une heure, tu vas dire c'est tout le temps la même chose, tout le temps pareil. Mais c'est pas vrai, ça change tout le temps, c'est ça qui est tout le temps pareil, ça change tout le temps. Tu peux pas dire que c'est tout le temps pareil, vu que ça change tout le temps, c'est tout le temps pareil, ça change. Tu vois ce que je veux dire? Tout le temps. C'est pas comme si on était déjà mort mille fois avant d'être né encore des poissons panés, je veux dire. Et le cul là-dedans, le cul, hein? Eh bien, coincé entre deux, trois lettres autres que le cul lui-même, il a décidé, l'autre, l'hôtesse, qui a l'air, et pas la rengaine, a décidé de déblatérer. Toujours à entendre ces voix me dire de pape, c'est mort. Il crève une bonne fois pour toutes. Comme ça, je pourrais faire le deuil sacré. Celui de 3 ans. Le truc, parents, enfants. Ça, ça marche. Ça fonctionne comme ça. Ça va, héros. Mais j'y vais, bof. Pas plus qu'à tout le monde. Là, je prends une vie. Le camarade, chaque d'abonne. L'abonne. J'y conne. J'y bonne. J'y à l'envers le téléphone. Rock my face in a bonfire, baby. Fry my bones on the grill. Make a shish kebab out of me. I'm halal and I practice halal. So eat me. Forget my germs. Tu peux mettre ça à germe. Gerbez, please. Gerbez tous. Tant que vous êtes, j'en ai au dessus. Suce sa lame, suce mon âme, lèche bien. Mets-moi un doigt, puis deux, puis trois, pour plus de sensations. Fais-moi le point, et puis maintenant, passe aux acidiques. Grande potiété qu'elle nuit. Maya. Mirage flottant, parallèle aux lignes de flottaison, perpendiculaire à la côte, flotte en bas, en haut, mais pas de travers, ni de traverse. Toujours lubrique la trique, le tric lubrique. Sous la table, le bureau, la pipette graduée, phallique, à souhait. Donnez-moi un trou à baiser en perçant le nez. Je sniff de la colle ugu. À regarder notre élection présidentielle. Partout, on se demandait si les Français allaient décider à leur tour de se replier sur le passé illusoire, s'ils allaient rompre avec la marche du monde, quitter la scène de l'histoire, céder à la défiance démocratique. L'esprit de division et tourner le dos aux lumières. instead of rhyming, I go ahead in space, repeat, répète, répète, pétard, trip, taz, rabla, c'est skater, et on y est, et on y est, et on y est. Bouffe ma chatte avec du sel et bien cuit, bouffe mon dog, berger blanc, fuck me, fuck you, fucking shit, fucking fuck, fucking fuck, fucking fuck, fuck, fuckaroo, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fucking, I mean like this and that, 24 hours a day. Hi, my name is Stranger. En d'autres mots, c'est toi qui parles, à toi tout le temps. Il faut pas le dire, il faut pas faire comme ça. Si c'était pas ça que tu faisais. Pour éviter le désaccord, désaccorde toi, car ils sont tous en désaccord avec eux-mêmes, tous en bordel. Je baisse Dieu, c'est sûr, c'est une enculée. Violence, verbale, gratuite, fortuite. Fort de mes sens, je dirige mon exégèse mentale sur les autres, parce que j'en vaux pas la peine. Déchiqueté par les lions au cirque, les clowns se foutent de moi et je broie du noir. Noir d'encre, noir tente. Prendre ma tente et puis partir. Sans revenir, ici en particulier. Sans revenir en général. D'un particulier à un général, oui capitaine. Je vous baise, oui général, je vous baise. Oui lieutenant, caporal, major. Putain, même chose à canon. Je vous baise. Cher. Putain merde, fais chier, il fait chier, il fait chier. Il mérite de crever, il mérite de crever. Espèce de crevard, crevette farcie, jus de morve, connard. Tease my shrimp, fuck my chimp. Swear words everywhere, cool, cool. Sweet motherfucker, sweet still the sweet. And I don't care who I fuck, encore la même merde. I even fuck fags, shit, I like it. Dick up my ass and shit, everywhere, I love you, shit. Je baise la merde dans la tête que j'ai. Je nique la pin avec une lame de rasoir mouillée. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Mauvais, mauvais, mauvais. Garçon ou fille, on s'en fout, fille ou garçon, on les baise. Poésie du bruit. Bruyant ce fucker. Fucker bordel. Fuck me Vietnam, sweet Vietnam. Goddamn them movies. Goddamn them movies. You bastard. Bâtard. Bâtard. Bastard. Tu t'énerves, tu t'énerves, tu perds ton temps, tu gaspilles ton temps, connard, ta gueule, va te faire foutre. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Encore une pile de vaisselle. T'as une pile de vaisselle. Ne pas parler, rien à dire. Apof, tegme, flegme, bile. Barjo, jobard. On est tous jobards, ça sort trop vite. Trouble gastrique, que nenni. Quel menthe te revient à te dire merde. On te fait rire, connasse. Ta gueule, va te faire niquer. Va te pendre, grognasse, pétard, salaud. Putain, je suis une teinte de salope. Baise, le niquer, les. Tous les niquer. Je nique Dieu, les morts. Un cadavre, de la viande morte, de la chair en putréfaction, ouais, j'y crois pas. Je me le suis fait. Je me le suis tout fait. J'échauffe l'atmosphère, chaleur humaine, baise, foutre, nique-moi, oh ouais putain, oh vas-y, nique-moi, s'te plaît, s'te plaît, direction emballée, j'ai un cadran pour toi, petit fils de pute, prends ça, trou du, lèche-moi le cul, salope, trou de balle, moignon de lambeau de chair, sanguinolente, je vais crever, tant mieux, sexe, sexe, sexe, mon sexe, ton sexe, nos sexes qui saignent de pu, chaleur humaine, masturbation, branle-toi, masturbe-toi, se masturber, se branler, fuck tous, enculés, ils sont tous enculés, je les encule tous, j'espère que dalle, ta gueule, tu nous casses l'ambiance. Je vais crever, putain, ouais, ouais, ouais. Je te pends, tu me pends, c'est l'amour entre nous, baisons. Baisons-les tous, niquons-les, putain, c'est bon, de les niquer, de les baiser avec un baiser, de la mort, qui pue, merde, fais chier. Ta gueule, connard, tu fais chier. Tu nous fais chier, alors ta gueule, il est des nôtres, baisse sa mère, oh, oh, oulala, fuck comment, fuck comment. I hate their names. I hate this game. I hate these manners. I hate these mothers. I hate these fuckers. I hate these motherfuckers. Don't forget, hate them all you can. You'll live longer. Mystique. Putain de mysticisme. Putain de mystique, man. Fuck me, fuck me, fuck me, fuck me, fuck me. Fuck them all, die, mother. It's all your fault. Or fuck off, at least. At very least, fuck off. It's raining. Il pleut tout le temps. Ça pleut sur les nuages. Tiens, il pleut sur les nuages des rayons laser violets. Mauve. Pas Bordeaux, non, pitié, pas Bordeaux, oh si si si Bordeaux, oh oui. Dangereux, dangereux, c'est trop risqué, c'est foutu, c'est grillé. Pas de signe de vie, personne, ils sont tous morts, décédés. Damn man, god damn man, release me please, relâche-moi s'il te plaît. Je meurs, j'arrive plus à respirer, défonce pas la vodka orange. Démonte pas du cul, saignant, pourrissant, putain de colon. Colonisateur, égal, cancer, putain. C'est bon le silence de mort. Qui pue la mort, salope maman. Ta gueule, fils. Non, toi, ta gueule. Vas-y, parle. Parle donc, fils de pute. Toi-même. sa couve de sang. Histoire couverte de sang, dripping blood, drip drip, ping ding, clang, slang. What an enormous slang you got. Better to fuck you with my dear. What a marvelous dick. Quel putain d'engin, ouais. Quel membre viril, oh oui, oh oui. Ah, vas-y, mets ta main dans mon slob et branle-moi. En frottant la zone du frein avec l'index, s'il te plaît. Oh oui, oh oui. Vas-y maintenant, mets-moi un doigt dans le cul et gratte-moi le rectum. Bourre-moi le cul maintenant avec ta grosse bite, chérie. Ça fera 50 euros. Merci. Laisse-moi travailler maintenant, allez, casse-toi. Police, police, partout. Partout, police. Fuck-a-doo-doo-doo. Le flot de sang, interrompu par la bonté, je veux dire celle de la femme, mère ou père. Qu'ils aillent, allez, va, hors de moi. Arbron, un arbre, être humain, ailé, zélé, zèle, Z, Z, B, headset, fuck the headset. Double S, all do. The right thing in my world. Mom's world's all covered in paint, all covered in cum buckets, buckets of cum, des paniers de foutre. Food case. Les affaires de chacun ou de tous ne m'isolent que peu de la déjanture, la folie express, expressive folie. N'ai pas besoin de faire le déjanté. Faire, c'est tout. Too much. C'est too much. Tout le moche. It's too much. Fuckhead. Fuck like a duck. Pas cher ma baleine. Je te la vends. Je la loue. Pas cher la baleine. Mardi, mercredi, jeudi, tous les jours, ouvrable si tu veux. Baise la baleine. Baise, baise, baise, le pèse. Baise la zup, baise la zus, baise le z, et baise la monnaie. Putain la monnaie, courante comme la main. Baise la main ou la main baise. Laisse ta main à d'autres, plus nécessiteux. Baise, baise, baise le pèse. Foutre Dieu, que c'est bon, d'être enfin chez soi. Un peu de musique. Et c'est parti pour le reste de la journée. Foutre Dieu, quelle horreur, c'est quoi cette merde? Cette merde me fait chier, bordel de merde. Crotte de bique. Chèvre à deux balles, dans la tête salope. Baissez les têtes. Baisez les salopes, le daddy. Merde putain, fais chier. Fais chier. Bordel de dieu, de merde, putain. Allez tous vous faire foutre maintenant. La nuit est gâchée, rien à battre, tant pis. Tintin, miou miou, tin miou. La chaleur me tape dans le dos, comme un connard sur l'épaule. Allez, kiffe le son. Boum boum, tchac tchac, boum tchac. Fuck this shit, I don't give a fuck. I'm the boss now, I'm worse than any other. Harry the Otter. C'est moi le patron. Alors je te viole et puis c'est tout. Je suis dans tous mes états, tu comprends. Je veux et je peux te baiser. En te violant, en te filant, en te flétrissant, en te fétichisant. Tout ce que tu veux tant que je bourre le cul de sperme gluant et tiède. C'est tiède tout ça. Tu feras jamais pigiste pour un Mac de 11. Baisse ceci. Baise-moi ça, baise-moi ci. Baise-moi comme ci, comme ça, baise-moi. Encore fils de pute, salope chérie. Salope, oh oui, encore une fois, plus fort, encore une fois. Pendant ce temps, la terre tourne ronde comme des fesses potelées ou fermes. Ta gueule, sale pédé, puant de foutre et de la bouche. Crève, salaud, le pète. Ouf ma merde, je te déteste, je te hais, je t'aime, baise-moi. Nique, nique, nique. Baise le pèse. J'ai mal au cul, ça saigne. C'est gay. C'est chier, chantise. Je ne fais que de la démagogie. Pas de la politique, monte le son, putain merde, fais chier du con. Je l'ai mis, ça y est, je peux la fermer. Eh ben non, je veux pas. Pas tant qu'il me reste du sang dans les veines. Tant qu'il me reste un battement de cœur à faire, j'aime la baise. Nique la baise. Baiser, foutre, come, shit, merde. Dans ton trou de balle, in your bunghole. Oh fuck, obèse, obèse. On baise. Alors ne pas déranger, ou sinon, gare à ton sexe. C'est trop perso cette merde là, trop perso. Je me fais tout chier dans le futur. Prophète, mon derche, c'est voulu. Et c'est là où tu te cours complètement. Je compte sur toi, mais pas sur moi, pour me mettre à bout de cette mission. Compris, non, merde. Fuck my shit, fuck my shit, fuck my, fuck my shit. Boire un petit coup, comme j'ai envie de tout de suite, maestro. Boire une bière dégoulinante de mousse, ou une mousse dégoulinante de bière, foutre Dieu. J'ai réussi à ne pas mettre des mots gros comme mon cul pour quelque temps. On ne peut dire qu'à contre-cœur que le temps se couvre. fuck this shit, not yours. Fuck me shit, fuck me hit, fuck me hit, fuck me hit, fuck me hit, fuck me hit, fuck me hit, fuck me hit, fuck me hit, fuck me hit, fuck me hit, fuck me hit, fuck me hit, fuck me hit, fuck me hit. Ou si, au contraire, ils allaient embrasser l'avenir, se donner collectivement un nouvel élan, réaffirmer leur foi dans les valeurs qui ont fait d'eux un grand peuple. Le 7 mai, les Français ont choisi. En soient ici remerciés. La responsabilité qu'ils m'ont confiée est un honneur dont je mesure la gravité. Le monde et l'Europe ont aujourd'hui plus que jamais besoin de la France. Ils ont besoin d'une France forte et sûre de son destin. Ils ont besoin d'une France qui porte haut la voix de la liberté et de la solidarité. Ils ont besoin d'une France sache inventer l'avenir. I'm sure of it. Je suis malade, j'en suis sûr. Le monde a besoin de moi, peut-être. De ce que les Françaises et les Français puis ensuite, je lui ont toujours enseigné. Oh, quelle grossièreté. L'audace de la liberté. L'exigence de l'égalité. La volonté bruit. Oh, dur bruit. De la fraternité. Je me transperce de ton amour silencieux. Or, depuis des décennies, la France doute baise-moi d'elle-même. Dieu, je te baise. Elle se sent menacée baise-moi dans sa culture. Dans son Putain, modèle Dieu, social, bon. Encore, dans ses croyances puni, profondes, puni-moi, Dieu. Elle doute ou Satan, de ce qu'il a fait. Pareil au même à la fin. Mais au début, voilà au début, je mon me souviens, mandat sera guidé même. C'était mieux par avant, deux exigences. Dieu te baise, oh oui. La première allez, sera allez, de Lia, rendre allez, aux Français. I'm dying for a cigarette. I'm dying for a cigarette. Smoke my lungs. Depuis trop longtemps affaibli. Oh, je vous rassure. Et tu pénis, n'est pas et tout et tout. Seule seconde. Partout des pénis. Qu'elle se resterait comme par magie le soir du 7 mai. Contre moi. Ce moi, sera un travail moi, lent, caresse, exigeant, caresse my money, mais indispensable. Caresse my money, money, il m'appartiendra de convaincre les Françaises et les Français plus, que notre pays, qui aujourd'hui plus, semble mis à mal par les vents parfois contraires du cours du monde, porte en son sein les cils tombant, arrachés, toutes les ressources pour figurer au premier rang des nations. Je convaincrai nos compatriotes que la puissance de la France toi, n'est pas déclinante, caresse, mais que nous sommes à l'orée d'une extraordinaire renaissance, parce que nous tenons entre bullshit, nos mains tous les atouts father, qui feront my et qui font dies of les grandes puissances du 21e siècle. Pour cela, je ne céderai sur rien des engagements pris vis-à-vis des Français. Tout ce qui anémie. Concourt à la vigueur de la France et à sa prospérité sera mis en œuvre. Le travail sera libéré, les entreprises seront soutenues, l'initiative sera encouragée. Duquon se baisse soi-même. La culture et l'éducation, fois, sans les mains, par lesquelles se construit l'émancipation, la création, l'innovation. N'ayez que nous vous emporte chez votre marchand de journaux favori. Les Français, pas chez mon tailleur, et les Français qui se sentent oubliés cassé, par ce vaste cassé, mouvement du monde devront se voir mieux protégés. Tout ouais. Ce qui forge notre solidarité nationale sera refondé, réinventé. Je te le souhaite. Fortifié. Heureusement, il y a l'égalité face aux accidents de la vie. Bordel de merde, renforcé. Pue la merde, bordel de merde qui pue la merde. Tout ce qui fait de la France un voilà, pays sûr. Qu'à la fin, elle s'infecte, où l'on purule de pu verdâtre saignant. Sans avoir steak. Peur. File-moi ta bite, sera je suis amplifié. Je suis ta la bite qui pue la merde. Républicaine. Après m'avoir enculé, je te baise encore, salope de merde, maman, force papa, de l'ordre, papi, mamie. Notre renseignement, cousine, ni frère, nos armées, réconfortés. Ils comptent tous leur gueule de pute. L'Europe dont nous avons besoin sera refondée et relancée car elle nous protège. Les trie à la moelle. Et nous permet de porter dans le monde nos valeurs. Il est trop tard pour sniquer dans le futur cette arme mienne. Je suis le seigneur de cette terre. France doivent retrouver aux yeux des Français l'efficacité qui en a garanti sur les enfants du Seigneur, sanguinolents. Car je crois aux institutions de la Ve République et ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elles fonctionnent selon l'esprit qui les a fait naître. Toi là-bas, crève mon salaud, ma salade à moi, je te bouffe la moule. Baisons entre frères et sœurs pour mieux dégénérer cette race puante qu'est l'humanité. Sale race que l'humaine, pas l'hymen à ne pas confondre, à se morfondre, à s'y méprendre. Avec les démons angelots d'une autre terre symétriquement, décadents, mais à mon sens, car nous ne sommes pas décadents, non, non, nous ne sommes pas dégénérescents, ni anthropiques, sociales, ni grosses triques, religieuses, signifie gros de cerveau, tous les corps constitués de la nation salaud, française, oh mon salaud, je t'encule, sera appelé. Dosa nos Zion. Nous ne pouvons Zion. Plus nous réfugier derrière des usages et ou des habitudes parfois hors du temps. Nous devons retrouver come with me. Le sens profond, with fucking la God, dignité oh. De ce qui aujourd'hui fuck, nous rassemble. Fuck me, cause I am God, oh agir de manière juste le vagin plus du cul, et efficace plus du cul. Pour notre des bites plus du cul. Le cul plus la France n'est forte le cul sale. Que si elle est prospère. Tu me, je te chie à la, la gueule. La France n'est un modèle pour le monde. Très sec. Que si elle est déstructurée comme si la bite pète alors que. Et c'est là ma seconde exigence. L'anisette. Parce que nous aurons rendu aux Français le goût de tous l'avenir et la fierté de ce qu'ils sont. Le monde pour entier baiser, sera Al, attentif qui aime, à la parole de la France. De se faire alors le niquer. Parce que nous être aurons bon su comme une bite, dépasser être bon ensemble comme une chatte, nos craintes et nos angoisses. La chair du nous donnerons qui tisse ensemble toile, bon gré mal l'exemple gré, d'un peuple nous sachant infirmer beau gère, ses valeurs, nos tripes, et ses principes, puants d'une crotte liquide, qui sont ceux de la démocratie la et de la République. La boîte de sardines les efforts de mes prédécesseurs en ce sens vénale, ont été remarquables et je veux ici les saluer. Je songe au général de Gaulle, mélangé, qui œuvra pour redresser la France fratricide, génocide, et lui rendre son amen. Rang dans le concert des nations. Tuons. Je songe ils, à Georges Pompidou, qui fit de notre mineux, pays une puissance si, industrielle majeure. La bite échappe dans le cul. Alors, à oui, Valéry oh, oui, Giscard d'Estaing, qui su faire profiler, entrer la sanguine, France et sa société orange, sanguine, dans la modernité. Guinguette extrême de Gerbet. À François Mitterrand. Car qui accompagna pas de gerbe la réconciliation du rêve français genre élastique, et du rêve européen. Cimetière. Fume-moi mon gros énorme cigare, donnant parce que le rang j'ai d'une nation sachant dire non la merde aux prétentions des va-t-en-guerre. Qui pue la merde de ton cul. À Nicolas Sarkozy, ne oui, comptant bon, pas d'accord. son énergie mais vous me pour de résoudre là, la gentil. Crise financière non, qui avait ça, si violemment une fois, une frappé dernière, le monde. Un dernier trait, juste une dernière trace pour la route, sûr, qui sera longue. François Hollande, allez, boum, boum, une trace de faisant œuvre de précurseur avec la porte de Paris sur le climat et protégeant les Français dans un monde frappé par le terrorisme. Quelle conne, non. Déchirement. Leur œuvre, la déchirure, migraine, surtout headache. Ces dernières décennies, quelle merde, watch c'est it. Trop souvent vu empêcher par un climat intérieur halal. Délétère, please, pretty please. Par le découragement de Françaises and et de Français, caramel and cherry in your ass, s'estimant injustement défavorisés, déclassés ou oubliés. Ce que la France Shh. Avait à dire au monde, quelle merveille c'est parfois trouvé affaibli. Par une situation nationale perplexe d'inquiétude, qui me débarrasse de tous mes maux de tête, de cul, de dos ou ailleurs. Skate. Aujourd'hui, Scatwoman, mesdames et blablabla, messieurs, encore une fois, une dernière. Le temps est venu pour une la dernière France trace de pour la route, un gras, à la hauteur un gros du jambon, moment. Des jambons, des gentils. La femmes. Division et les fractures qui parcourent notre société. Elles m'offrent leur sexe, doivent être surmontées. Mais que c'est bon de choper toutes les maladies du monde entier. Sociale, c'est compliqué, plexus moral. La lampe frontale à steak. Le monde attend de juste mon corps à force de que nous soyons forts. Qu'est-ce que je ferais sans mon corps? Et clairvoyant. Chose encore un peu, un tout petit peu. Plus le loin, monde profondeur, est ultime, éminente. Intra ou nous prendrons toutes nos responsabilités intérieur pour apporter chaque fois que sang, cela sera flègue, nécessaire pu, une réponse pertinente aux grandes crises contemporaines. Elle avale qu'il s'agisse tout. De la crise migratoire, peur, fois, du défi climatique, fois, trois fois, quatre, des dérives autoritaires, des excès du capitalisme mondial ça ne se suit pas, et bien sûr du terrorisme. Tout. Pas du tout. Plus rien j'aime désormais. Pas ton écriture. Ne frappe pas les uns merci, en merci. Épargnant les autres. À la merci de, à la bonne nous franquette. Sommes tous à la bonne bouffe. Interdépendants. Je me casse les couilles pourtant, mal au nous crâne, mal au dos, mal voisins. Au sexe, mal au pied gauche. La quel France bel objet. Veillera toujours location. À être aux côtés c'est de la liberté, tu pourrais des droits de l'homme, tout le reste mais toujours pour construire la paix dans la durée. It's... Oh baby, come on baby, come on, please, please, please, oh baby, oh honey, I love you. Je t'emmène avec moi en enfer sur terre, la belle terre, celle que tu choisis, ou tu choisis de choir, la belle tête, de tes tête. Tête mon 5, c'est bon, la belle peau dégoulinante de lait et de sueur, après l'acte morbide que j'ai foulé sur son propre corps, les peaux mortes s'évacuent en se frottant le cul avec un gant de toilette, ou plutôt, un gant de crin sur la tête. Suce-moi la bite, chose. Laisse-moi te la lécher, ma chérie, je suis ta chose. Quelle horreur, tristesse, bonheur, connerie. Parle job, tu seras plus apte à être compris. Parce que là, tu ne, l'on ne comprend rien à ce que tu fais. En plus, tu peux souffrir, très la voix. Camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Avaria, ascoltate! Un'ora segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria. L'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Affrontare i rischi e i sacrifici di una guerra Ferreamente lo impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia. Pugniamo le armi per risolvere dopo il... In that space, Cuba, I invite him to address the assembly. Señor presidente, señores delegados, la representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también a las clases dominantes de países latinoamericanos contra nuestra revolución. En otros, más tristes aún, es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón, contraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. François Bayrou, vote Hollande, c'était hier soir vers 19h30. Nicolas Sarkozy, c'est la mauvaise surprise de cette fin de campagne. Non, non, d'abord, François Bayrou a le droit de faire les choix qu'il souhaite. D'ailleurs, il est assez constant, puisqu'en 2007, si mon souvenir est exact, il avait indiqué qu'en aucun cas il ne voulait voter pour moi. À l'époque, il ne parlait pas de ma violence, parce que je devais avoir d'autres défauts certainement, mais il avait indiqué qu'il ne voterait pas pour moi, ce qui ne m'avait pas empêché d'emporter l'élection. La deuxième remarque, c'est que si vous aviez poursuivi l'intervention qu'il a faite, et sur laquelle je n'ai pas de jugement à présenter, il indiquait qu'après bien avoir bien réfléchi, il allait voter François Hollande, et le poursuit, qui conduira le pays à la faillite au mois de février. Hier encore, ces jeunes cagoulés empêchaient les voitures de passer. Aujourd'hui, ils font la circulation. Et nous ne sommes pas des racistes, on aime tout le monde. On aime tout le monde. Les blancs, les noirs, les marrons, les cacos, les tout. Nous ne sommes pas des racistes, on ne fait rien contre les gens. On manifeste simplement nos droits, tout simplement. Jimmy, le boss sur ce barrage. Dans le civil, il dit être vigile. Ce qu'il réclame, c'est un meilleur partage des richesses. Il n'y a pas de racisme entre nous, hein. Il n'y a pas de clivage entre blanc et noir, mais ça n'a rien à voir. Juste en tant que Guadeloupéen, qu'on puisse nous respecter, nous donner aussi nos vrais, franchement nos vraies valeurs. Quoi. Rien ne nous appartient ici. Ça appartient aux béquets, aux descendants des colos, et qu'on a envie aussi qu'on nous respecte. Quoi. Les béquets, ce sont les descendants des colons du temps de l'esclavage. Ils détiennent une grande partie du pouvoir économique aux Antilles. La plupart d'entre eux vit en Martinique, à une demi-heure d'avion de là. Fort-de-France, la capitale. Ici aussi, c'est la grève générale. Et ici, les béquets sont encore plus clairement dans la ligne de mire des manifestants. Un même tube, mais avec une menace en plus. Mettre les béquets dehors. À croire les manifestants, les béquets seraient la cause de tous leurs maux. Il y a une sorte de collision occulte entre l'État et une certaine caste à la Martinique. Et l'État considère que cette caste, c'est son interlocuteur privilégié. C'est la caste du béquet. Vous pensez que je vais hésiter à le dire, c'est la caste du béquet. Alors, peut-être que c'est parce qu'ils détiennent une partie du pouvoir économique, mais nous pensons également, puisque ça a été dit, que c'est aussi à cause de la couleur de la peau. Et ça, il faut le dire, et je ne décide pas le dire. En clair, il accuse l'État français d'être raciste et de laisser les béquets s'enrichir sur le dos de la population. Les béquets possèdent 40% des hypermarchés de la Martinique et ils ont la main mise sur la plupart des usines alimentaires. Sud, Canal Sud 92.2 FM dans la région toulousaine et le www.canalsud.net sur le net. Je crois que ça déconne ce soir, mais vous pouvez quand même essayer. C'est Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. C'est Sonic pour commencer, Nickel Tête pour finir. Colon de Sainte-Lucie, une île toute proche. Mais l'homme n'est pas un béquet à proprement parler, il a du sang noir dans les veines. Thank you. sont pas en vacances. Ils sont en vacances. Donc pourquoi ils sont pas au boulot là? Ma soeur, ils font chier, ouais. Putain. Quel bande de bâtards, c'est. Ma soeur, ils font chier, ouais. Putain. Quel bande de bâtards, c'est. Putain. Quel bande de bâtards, c'est. Putain. Quel bande de bâtards, c'est. Putain. Quel bande de bâtards, c'est. Putain. Quel bande de bâtards, c'est. Putain. Quel bande de bâtards, c'est. Bande de bâtards, c'est. Quelle bande de bâtards, c'est. Ça pue tes pieds. Ça pue du nez. Bâtard, c'est. Ça pue pas du cul. Et ben si, bâtard, ça vient du cul. Des chauves-souris, quoi, d'autres chauves-souris pourries. Et ça pue. Et ça pue. Et ça pue. Alors que dire des autres? Les autres tentent obnubilés par l'espace intersidéral. Qu'il ne fait que le soulever du domaine et lui veut rester dans le livre des demeures, les demeures saintes, les saintes demeures, les demeures citées toujours en travers de la question donnée. Est-ce qu'il y a à croire? Est-ce qu'il y a quelque chose à croire? Ou c'est juste comme ça et c'est tout? Vous avez une réponse? Je vous entends pas. Moi j'ai une réponse. Moi j'ai une réponse. Moi j'ai une réponse. Moi j'ai allé vous faire foutre. Vous faire enculer avec question de merde. Qui pue. Qui pue. Alors, allons nous faire crever la merde, la mouiser, la chiotte dans les trous de balles de mon encombrement. Alors qu'élucubration rime toujours avec adoration, la divination ne présente pas de domaine. C'est là le trop tard, le trop plein. Le trop tard et le trop plein sont des potes. Ce sont des potes d'enfance, de trop tard et de trop plein. Et ensuite, il y a eu trop tôt que je vous dis que merde, j'aurais dû vous le dire plus tard. Et j'aurais dû savoir qu'il n'y a pas d'espoir. Non, ça n'est pas l'espoir qui me fait avancer. Non, c'est autre chose. C'est la nuit. La nuit qui fait avancer. La nuit, la nuit, la nuit. La nuit, la nuit. La nuit. La nuit, la nuit, c'est la nuit qui fait avancer le lot des abasourdis, toujours dans le royaume, pourtant le domaine, pourtant si recouvert de foutre et de possibilités, toujours le domaine est intransigeant, vocable, qui permet de vocaliser sur une situation d'une cite. Je ne crois pas en merde. J'ai fini de croire en merde. Une fois que merde est dite, au fait, on ne croit plus. Non. Non. Et pourtant, c'est bien de nous que ça vient. La merde, du prout. Et du caca. Et comment dire, trouver le truc, comment faire pour... Où, déjà? Déjà, ouais, où? Ouais, c'est tout en pente, le jardin. Non, moi, je joue pas dehors. Non, on joue pas dehors. Ah, c'est bon, j'ai écroché. Ça pourrait se faire, mais bon... J'y ai cru pendant une seconde. Deux batteries. Pas chiant. Thank you. c'est Canal Sud, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. L'émission c'est Nuisance et il y a des invités qui veulent s'essayer à faire de la musique dans l'émission. Je leur ai dit faites gaffe quoi les gars, parce que si vous faites de la musique je vais vous couper, mais ils veulent absolument faire de la musique, alors ben, on va les couper quoi. Alpen der Reihen stehen. Vielleicht nur als imposantes Schauspiel politische Machtentfaltung gewertet wird. War für die Hunderttausende der Kämpfer unendlich mehr. And they've all gone away. They've all left the place. They're probably wondering something. Or somewhere, should I say. Wondering somewhere. And that's where I'm at. Probably wondering somewhere in the whole ways of the, how could I say this? Bad flying. Life here on me. Existence, as I've said before, is not taken lightly. It's a fact of life. You cannot talk about it. But I don't want to know what goes on. I think it's something weird. Something that will change around me. And I know it's not what I wanted. It's what I felt. So, so this takes us somewhere too. I know it's not a café voisin. avec le ventre creusé. We'll be right back. petit pom-pom quand même. Past the twisted dram jacket bucketing, there's a story to be told. It goes like this: there's this old man in the forest, gives up being, just hangs around, drinks beer. He can actually see himself get desiccated through tambourining, and the whole fucking time the guy is giving up on his old stupid self, because he's forgiven himself for everything, you know. Il s'est pardonné, le gars. Il a laissé tomber. Il a laissé tomber parce qu'il s'est pardonné. Alors, vu qu'il s'est pardonné, il peut laisser tomber maintenant. Parce qu'il a le droit de laisser tomber vu qu'il s'est pardonné, le mec. Alors, il traîne dans un étang, une mare plutôt, et c'est un crapaud, le gars. Et il boit de la Budweiser toute la journée. La sacro-sainte journée, il boit de la bière. Le mec se regarde dans la mare, il voit qu'il est ouvert, il comprend enfin c'est un crapaud. Un crapaud qui boit de la bière. Et c'est ce qui arrive aux crapauds quand ils boivent de la bière et qu'ils fument une clope, ils éclatent, les crapauds. Sauf que lui, il veut pas encore éclater, mais c'est trop tard. Il a déjà fait boum. Boum. Comme ça, est-ce que je suis né trop con ou je suis devenu quoi? Et c'est là que le mec a toutes les réponses. Il sait enfin tout. La solution dorée se profile à l'horizon et ça y est, il a décidé. Boum! Quand le gars qui a décidé de faire boum, il fait boum que le crapaud se montre enfin de la vraie face dévoilée qu'il a. Sa face, c'est son cul. Il montre son cul au monde en chiant sur ses parents, en chiant sur sa petite sœur, en chiant sur son grand-père, en chiant sur la boîte de transmission de sa voiture de merde. Le mec a un instant de lucidité, le mec se dit, ça y est, c'est pour maintenant. La lucidité, c'est cher payé. Alors le crapaud se dit boum. Et c'est à ce moment précis que le mec se dit mais merde quoi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et c'est là que le mec se regarde dans la mare et il voit une tache verte au fond de la mare et en fait c'est lui. C'est lui, c'est un crapaud. Et le mec fait boum. En se rendant compte qu'il vient de fumer une clope et quand un crapaud fume une clope, et ben ça fait boum. Boum. Alors en buvant sa bière, sa Budweiser, en matant le foot américain, ben, le mec se dit je suis enfin français, ça y est, je suis pas né con. Je suis un poisson pané. Con. Et les gentils, et les gens bons, et les gens cons, et les gens chiants. Tous ceux-là, ils sont morts dans ma tête. Parce que la dernière fois, ils ont dit merde. Tu sais ce que ça veut dire, merde? Ça veut dire putain. Merde, ça veut dire putain, en fait. C'est un nouveau mot qui vient de sortir. Merde, ça veut dire putain parce qu'on en a rien à foutre. Thank you. La bombe, bombe, bombe, bombe, bombe. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai des choses à dire, c'est vraiment important, il faut que je les lise. La vie, c'est de la merde. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. C'est bien, les gars, continuez comme ça, on est sur la bonne voie. Et 2 2, 3, et... Ceux qui savent pas, bah Nuisance c'est de la merde, parce qu'on fait de la musique dans cette émission de shit. Alors là on va essayer de couvrir cette musique avec du bruit quoi, pour pas nuire à notre réputation comme on dit. Et après c'est juste moins de notes quoi. Allons-y mollo maintenant. De gens rares, ce sont les fous. Les fous ne s'arrêtent pas. Les fous sont arrêtés. Thank you. spéciale dédicace à tous les musiciens, vous avez reconnu le morceau, et ben c'est là où ça s'arrête. Non, on veut du morceau, on veut du morceau. Bon, d'accord les enfants. Alors d'abord vous allez vous coucher, ensuite le morceau je le mettrai quand vous serez endormi quoi. Déception de la vie. La vie, c'est de la merde. Tous les jours, en rentrant du boulot tous les jours, et ce bon keuf qui prend prend des matraques et flanque le cul des gens, eh ben, ce mec-là, il a passé son brevet des collèges. Lento, muy lento. Il est bien plus difficile d'être lent dans la vie que d'être rapide, car tout le monde te pousse à être rapide et tu foires tout quand t'es rapide, parce que rapidement fait, bien fait, c'est de la merde. Ça n'existe pas, le vite fait bien fait, c'est vite fait mal fait. Toujours la lenteur de l'âme se rapproche de l'éternel. Merde. Quand tu joues trop vite, ça s'entend. Donc la lenteur, c'est bien mieux. Tout s'entend. J'entends ma merde. Oui. Agité. J'observe les gens s'agiter dans leur coin pour aller au marché, boire leur café, pour aller se coucher de la façon la plus rapide qu'ils soient, tout le temps pressés qu'ils sont de mourir. Eh bien, est-ce qu'ils le savent même? Mais ils sont déjà morts. Je suis un homme pressé, un homme pressé, un homme pressé. Pendant ce temps-là, la plèbe. Et en pleine ratiocination, on entend la saturation monter, car effectivement le contrôle n'est pas de mise. Et bien, de prime abord, abandonné, comme toutes les autres formes de consensus mutuel, car le consensus ne peut naître que mutuel, n'est-ce pas? Mais tacite, tacite comme un accord de papier mâché. Cramé même, cramoisi comme un pied de 10 euros que quelqu'un a cramé, qui a laissé traîner ça dans le coin de la morgue, le coin de la morgue, je suis né à la morgue. Qu'est-ce que t'as? T'es nerveux? Thank you. Crazy Moon. Yes. Les gamins sont couchés, ben on peut plus faire de bruit, saloperie de gamin de merde. Et les parents aussi, c'est donc... Il fallait avorter, bordel. Ça reste s'amortir un gamin. Paye son éducation et après tu peux lui bouffer, et après il grandit, il porte des sacs mordres. Thank you. Have you heard the answer to the question, sir? Have you heard the answer to the question? Avez-vous entendu la réponse à la question, monsieur? Avez-vous entendu la réponse à la question, monsieur? Oui, j'ai entendu la réponse à la question. La question c'était, mais je vous ai pas demandé ce que c'était la question, je vous ai demandé ce que c'était la réponse, et je vous ai même pas demandé la réponse, je vous ai juste demandé si vous aviez entendu la réponse. Avez-vous entendu? Oui, j'ai entendu. Eh ben non, vous n'avez rien entendu puisque je n'ai pas donné de réponse à cette question. Quelle était la question, monsieur? Je ne me souviens plus. C'est ça la réponse. Il y a des façons de faire pour se faire bannir. Les nantis le savent, ils sont bannis. Ils permettent à leur voix de s'obscurcir de déraison et de clamer haut et fort la vertu de l'aboutissement final, finalement pas final. Ils permettent à leur voix de s'obscurcir de déraison et de clamer haut et fort la vertu de l'aboutissement final, finalement pas final. Ils permettent à leur voix de s'obscurcir de déraison et de clamer haut et fort la vertu de l'aboutissement final, finalement pas final. Thank you. si vous n'avez pas compris, ben, Nuisance, c'est fini et ça vous emmerde grave, n'est-ce pas, hein? Nuisance, c'était à chier ce soir, et ben, c'est toujours à chier le vendredi du 21h à 23h sur la radio qui est plutôt bien, Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net avec le 3W devant. Effectivement, si vous voulez réécouter une émission de merde encore une fois, ben, n'hésitez pas à écouter Canal Sud le vendredi de 21h à 23h. Et pour l'instant, c'est fini. Every creature has a song.